La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Ce sont des insectes sociaux, au même titre que les fourmis, et pourtant on les évoque surtout en tant qu'animal nuisible pour parler des problèmes qu'ils peuvent causer dans les habitations et les bâtiments. Ce sont les termites, ils appartiennent au super ordre des dictyoptères, on en compte 138 espèces dans le monde, principalement réparties dans les régions tempérées du globe. On trouve la plupart du temps les termites dans les environnements souterrains et ils jouent un rôle écologique essentiel dans la décomposition de la matière organique et l'aération des sols. Le dossier de la tête au carré leur est consacré pour comprendre la biologie et l'écologie de ces animaux à l'organisation sociale fascinante. Et vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et toutes vos questions sur les termites, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science aujourd'hui, Héloïse, on fait le bilan sur un traitement du cancer qui est encore assez récent, c'est l'immunothérapie. Oui, pour la première fois, une étude nous renseigne sur les résultats réels de cette thérapie contre le cancer qui est porteuse de beaucoup d'espoir. On parle tout de suite de ces résultats et aussi, bien sûr, on va rappeler ce qu'est l'immunothérapie. Et puis, dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons la chronique de santé polémique du docteur Dupin, consacrée aujourd'hui aux dernières nouvelles concernant la e-cigarette. Fanny Boyon réalise cette émission préparée par Chantal de Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Le peuple des termites, ce sera donc le dossier de l'émission dans un instant. Je salue mes invités Anne-Geneviève Bagnier-Urbani, écologue chimiste, et Magdalena Kutnik, biologiste entomologiste. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue Anne-Geneviève Bagnier-Urbani. L'idée de cette émission nous est venue en prenant connaissance de l'existence d'une termitière monumentale qui a beaucoup fait parler d'elle. D'ailleurs, ça fait pas mal la une des titres. De la taille de la Grande-Bretagne, une découverte au Brésil. Est-ce qu'on en connaît beaucoup des structures comme celle-là? À ma connaissance, non. En tout cas, cette structure-là, justement... avec ces petites collines, on va dire. Oui, des petites buttes, hein, c'est ça? Ces petites buttes, ouais. Qui sont en fait pas des termitières, hein, comme on a, quand on en avait parlé. Et puis aussi étendues, quoi. La surface de la Grande-Bretagne. Bon, après, il faut une grande forêt, comme il peut y avoir au Brésil pour que ça s'étende comme ça. Ouais, il faut imaginer 200 millions de monticules qui font à peu près 2,50 m de haut chacun. 200 millions, ça dépasse l'entendement. Mais on ne l'avait jamais découverte avant, cette termitière? Alors, d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il y avait quand même quelques scientifiques qui avaient déjà décrit ça, mais dans des journaux pas très connus. Et c'est la rencontre après avec l'anglais qui a été le premier. Premier auteur de la publication dont on en avait parlé, qui les a rencontrés par hasard et qui s'est dit « Mais attends, c'est super, pourquoi on ne ferait pas quelque chose là-dessus » Et ils ont fait ce bel article dont vous avez parlé il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Alors ça, c'est un peu particulier hein, quand même, cette termitière. Et évidemment, nous, on va s'intéresser à la société des termites. C'est un très bon modèle animal aussi pour vous. Hein. Ah, c'est passionnant. Ouais. Pourquoi d'ailleurs c'est aussi passionnant que cela? Le fait que ça soit d'abord des insectes sociaux. Hein, donc par définition, c'est quand même une vie passionnante. Hein, et puis après, on s'attache à ces petites bêtes. Hein, ah oui, quand même, vous arrivez à vous attacher à des termites. Bravo. Je les aime. Magdalena Kutnik, les termites, pourtant, ça peut être également un vrai cauchemar pour les humains. Hein. Oui, tout à fait. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui doivent être embarrassés avec ces bestioles. Hein. Alors c'est vrai que ça dépend des régions du monde, en l'occurrence en France, effectivement les termites que nous avons sont des termites nuisibles pour l'habitat, mais ils ont un rôle important dans leur habitat naturel. Il faut qu'on Il y a le rôle écologique qui est formidable et passionnant, et puis après pour les habitations et le grignotage de la cellulose. Tout à fait, ça devient vite plus compliqué. Ouais. Vous cherchez des idées pour lutter contre tout ça justement? Oui, il y a une recherche qui est très active depuis plusieurs dizaines d'années où vraiment on cherche de nouvelles... solutions technologiques, de nouveaux produits, de nouvelles typologies constructives. Et on s'oriente de plus en plus vers des constructions plus intelligentes. C'est à nous de nous adapter aux termites et pas l'inverse. Ouais. C'est vrai. C'est contrer leur intelligence par nos techniques de construction. Vous allez répondre aux questions des auditeurs. Hein. Oui, j'imagine qu'il va y en avoir beaucoup pour vous. Et pour nous rejoindre, c'est bien sûr le site de la tête au carré, franceinter.fr. À tout de suite. Et Héloïse, aujourd'hui, à la Une de la Science, on parle de cette étude qui fait le point donc sur les traitements à la disposition des cancérologues et dont on parle justement de plus en plus, c'est l'immunothérapie. Et oui Mathieu, on en parle précisément aujourd'hui parce qu'une étude vient de paraître sur le sujet. C'est une équipe française qui l'a menée. Elle est à retrouver dans la revue JCO Precision Oncology. Pour la première fois, les chercheurs font un bilan à grande échelle sur l'immunothérapie qui est apparue seulement au début des années 2010. Mmh. Nous sommes au téléphone avec le professeur Christophe Letourneau, un des auteurs de l'étude. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de département des essais cliniques précoces de l'Institut Curie à Paris. Alors, avant toute chose, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est l'immunothérapie, en particulier par rapport au traitement qu'on connaît mieux, la chimiothérapie ? Oui, alors l'immunothérapie fait partie des traitements pour soigner le cancer. Alors, on connaît mieux effectivement la chimiothérapie et les thérapies ciblées, mais depuis le début des années 2010, nous avons une stratégie thérapeutique nouvelle qui est l'immunothérapie. Ça marche comment ? Alors l'immunothérapie, à la différence de la chimiothérapie et des thérapies ciblées qui attaquent frontalement les cellules tumorales, l'immunothérapie, si vous voulez, va réactiver le système immunitaire des patients et ce sont les cellules du système immunitaire des patients qui vont aller détruire les cellules cancéreuses. Donc c'est un mécanisme d'action qui est complètement nouveau. Parce qu'un système immunitaire normal, il repère pas, lui, les cellules tumorales, il les laisse passer. Oui, c'est-à-dire que ça fait partie des mécanismes d'adaptation des cellules cancéreuses qui font que le système immunitaire ne les reconnaît pas comme étant des cellules étrangères. Alors, qui est éligible à l'immunothérapie ? Dans quel cas est-ce qu'on peut se la voir prescrire ? Alors, il y a beaucoup de développement actuellement et beaucoup d'essais cliniques qui évaluent l'immunothérapie dans de nombreux types de cancers. Aujourd'hui, il existe des autorisations de mise sur le marché déjà dans quelques cancers comme le mélanome, le cancer du poumon, certains cancers de la gorge, le cancer du rein, etc. Mais probablement que le nombre d'autorisations de mise sur le marché va encore augmenter dans les années à venir. Et ce qui est important à dire, c'est que c'est seulement dans les cancers métastatiques, c'est ça ? Expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment distinguer deux situations radicalement différentes. Celle où les patients ont un cancer qui est localisé à un endroit, un cancer du poumon, un cancer du côlon, etc. Où là, ce sont vraiment les traitements locaux qui sont primordiaux, à savoir la chirurgie et puis la radiothérapie qui consiste à envoyer des rayons. Là, tout ce qui est médicaments joue un rôle, mais qui est moins important. C'est pas ce qui permettra de guérir le cancer dans ces situations. À l'inverse, quand des cellules ont migré ailleurs dans le corps, c'est ce qu'on appelle les métastases. À ce moment-là, c'est les médicaments qui ont toute leur importance, au rang desquels la chimiothérapie, les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Là, l'objectif, c'est de transformer, si vous voulez, la maladie en maladie chronique, parce que malheureusement, dans cette situation, il n'y a que très peu de cas où nous arrivons à guérir complètement les malades de leur cancer. Comme je le disais, vous avez fait une étude de grande ampleur sur l'immunothérapie. Qu'est-ce que vous en retirez ? En gros, qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui pour les personnes atteintes de cancer, l'immunothérapie ? Qui répond, qui n'y répond pas ? Ben, si vous voulez, ce qu'on se disait avec l'immunothérapie, c'est comme ça réactive le système immunitaire, si ça marche, ça doit marcher pendant longtemps. C'était ça l'hypothèse de base. Mm-hmm. Et on a voulu vérifier ça en faisant une compilation, une méta-analyse des études publiées sur le sujet qui comparaient l'efficacité de l'immunothérapie à l'efficacité d'autres traitements comme la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Et ce qu'on retrouve, effectivement, c'est que l'immunothérapie est capable de procurer à des patients des réponses, c'est-à-dire une diminution de taille des lésions cancéreuses, pendant longtemps et dans une proportion qui est en gros de 2,5 fois plus importante qu'avec les traitements traditionnels. C'est-à-dire que dans 25% des cas, on arrive à avoir chez les patients qui sont traités par immunothérapie une réponse qui est très prolongée, c'est-à-dire un traitement qui marche pendant longtemps. Et ce chiffre est beaucoup plus important qu'avec les autres stratégies thérapeutiques comme la chimiothérapie et thérapie ciblée où on est à 11%. Donc ça confirme bien l'hypothèse qu'on avait au départ que quand on réactive le système immunitaire et qu'on y arrive, et bien souvent ça marche pendant longtemps. Voilà. Alors justement Christophe Letourneau, est-ce qu'on a moins d'effets secondaires avec l'immunothérapie parce que la chimiothérapie on les connaît bien aujourd'hui ? Oui, alors les effets secondaires de l'immunothérapie sont très très différents de ceux de la chimiothérapie qu'on connaît bien, avec tout ce qui est nausées, vomissements, etc. L'immunothérapie, parfois, ça réactive un petit peu trop le système immunitaire. Et en réactivant un peu trop le système immunitaire, les patients vont synthétiser des anticorps contre leurs propres organes. Et ça peut toucher à peu près tous les organes. Donc si c'est des anticorps contre la peau, ça va donner des petits boutons. Si c'est contre la thyroïde, ça va donner ce qu'on appelle une thyroïdite, une inflammation de la thyroïde, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est globalement l'immunothérapie est bien mieux tolérée que la chimiothérapie. Il n'en reste pas moins que dans certains cas, il peut y avoir avoir des effets secondaires de l'immunothérapie qui sont très graves et qui nécessitent une prise en charge spécifique. Mais globalement, c'est mieux toléré que la chimiothérapie. Et est-ce qu'avec l'immunothérapie, on atteint ce que j'imagine être le rêve de tout cancérologue, c'est-à-dire la disparition des métastases complètes ? Alors, c'est ce qui arrive chez certains patients. Alors, c'est une minorité de patients, mais effectivement, j'ai certains patients qu'on a traités par immunothérapie et qui aujourd'hui, on a arrêté le traitement et les patients viennent juste pour des contrôles. C'est-à-dire qu'ils ont un cancer métastatique et a priori, on ne voulait pas guérir. Et avant l'ère de l'immunothérapie, ils avaient une espérance de vie qui était de moins de 1 an. Et là, ces patients ont eu 1 an, 2 ans ou 3 ans d'immunothérapie, ils l'ont arrêté et maintenant sont chez eux et viennent pour des contrôles. Et finalement, le système immunitaire a réussi à détruire toutes les cellules cancéreuses. Alors, combien de temps ça va durer ? On n'a pas encore assez de recul pour le dire. Mais en tous les cas, ça, c'est quelque chose qu'on observait vraiment très rarement avant avec la chimiothérapie, voire même les thérapies ciblées. Alors, le chiffre de 25% de patients qui répondent au traitement, c'est un chiffre global. Est-ce qu'il faut distinguer comme des cas en fonction du type de cancer, de l'organe touché ? Oui, tout à fait. L'efficacité de l'immunothérapie varie en fonction des types de cancers. Là où elle est le plus efficace, c'est pour les patients qui sont atteints de mélanome cutané. Mais en fait, ce qui est assez admirable avec l'immunothérapie, c'est qu'on voit des patients qui répondent dans quasiment tous les types de cancers. Alors, avec un degré différent, mais c'est vraiment ça l'objectif qu'on a, c'est d'essayer d'identifier à l'avance quels sont les patients qui finalement vont pouvoir être traités par immunothérapie seule et qui vont pouvoir une réponse très prolongée à ce traitement, sachant que c'est une minorité et donc il faut savoir les identifier, ce qu'on a encore du mal à faire aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Le Tourneau à l'occasion donc de ce bilan à grande échelle hein, qui est apparu donc autour de l'immunothérapie. On en parlait donc à l'instant à la Une de la Science et puis Louise, on se retrouve demain. À demain Mathieu. Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les États-Unis passent à la vitesse supérieure pour reposer un pied sur la Lune. Le patron de la NASA a clairement fait passer le message lors d'une rencontre avec la presse. L'agence spatiale américaine entend donc retourner le plus vite possible sur notre satellite grâce aux investissements du secteur privé, comme le souhaitait d'ailleurs Donald Trump pour les astronautes. Le plan est un retour sur la Lune en 2028 et les Américains ne comptent pas se contenter d'y faire quelques pas avant de rentrer au pays. La NASA a prévu d'assembler en orbite lunaire une petite station qui servira de point d'étape pour des allers-retours entre la Terre et la Lune. Le génome du grand requin blanc vient d'être entièrement séquencé. L'animal possède des caractéristiques remarquables, notamment ses capacités de cicatrisation et de résistance justement au cancer. Les travaux publiés dans la revue PNAS fournissent des clés pour mieux comprendre pourquoi les requins ont prospéré pendant environ 400 millions d'années. Les chercheurs ont trouvé dans l'ADN du grand requin blanc de nombreux gènes qui pourraient être à l'origine de leur succès évolutif, comme par exemple des gènes jouant un rôle important dans le maintien de la stabilité du génome. Ces résultats sont intéressants pour nous, car de nombreuses maladies humaines sont liées justement à une instabilité du génome. Et puis Pompéi qui n'en finit plus de livrer ses secrets, une fresque exceptionnelle représentant le mythe de Narcisse vient d'y être découverte. La peinture murale aux traits précis et aux couleurs chatoyantes se trouvait dans l'atrium d'une demeure réputée pour la richesse de sa décoration. Les archéologues pensent que la fresque date des dernières années de la cité en raison de l'extraordinaire conservation de l'œuvre. En novembre dernier, les archéologues avaient déjà trouvé une autre fresque illustrant la scène d'amour entre Léda et le cygne dans la même maison. Et nous parlons des termites cet après-midi dans le dossier. I get. Et c'est à l'instant, c'était Lee Fields avec The Expressions. La tête au carré. Ces ouvriers, ces soldats, ce roi et cette reine forment le fond permanent et essentiel de la cité qui, sous une loi de fer plus dure que celle de Sparte, poursuit dans l'obscurité son existence avare, sordide et monotone. Mais à côté de ces mornes captifs qui ne virent jamais et jamais ne verront la lumière du jour, l'âpre phalanstère, à grands frais, élève d'innombrables légions d'adolescentes et d'adolescents, ornées de longues ailes transparentes et pourvues d'yeux à facettes, qui se prépare, dans les ténèbres où grouillent les aveugles-nés, à affronter l'éclat du soleil tropical. Ce sont les insectes parfaits, mâles et femelles, les seuls qui ont un sexe, d'où sortira le couple royal qui assurera l'avenir d'une autre colonie. Nourris à la béquée, car n'ayant pas de protozoaires, ils ne peuvent digérer la cellulose, ils errent désœuvrés par les galeries et les salles, en attendant l'heure de la délivrance et du bonheur. Voilà, c'était la lecture d'un texte de Maurice Maeterlinck, un écrivain symboliste belge en 1926. Et à l'instant, c'était une archive de 1958 sur les RTF dans l'heure de culture française. Voilà. Est-ce que justement, Anne-Geneviève Bagnère-Urbani, ce qu'on vient d'entendre vous paraît toujours aussi juste aujourd'hui, 50 ans plus tard, même un peu plus? Bien sûr. Ouais. Je suis moins littéraire que Monsieur Maeterlinck. C'est très bien écrit. Oui, hein. Oui, c'est très bien écrit. Bah, j'ai un livre, bien sûr, de lui ouais. Dans ma bibliothèque, mais oui, bien sûr. Enfin, après, on peut revenir. Il fait quelques petites erreurs parce que depuis, hein, la science est passée et les scientifiques est passé dessus. C'est pour ça que je vous posais la question, oui, parce que j'imagine qu'on a fait quand même les beaucoup reproducteurs. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas que ce couple royal, etc. Mmh. Enfin, alors même moi, j'ai fait des erreurs tout à l'heure en annonçant 138 espèces de termites, mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Hein. Ouf, des milliers. Oui, des c'est milliers, ça. Ouais. Ouais, non, on estime où les espèces nuisibles de termites dans le monde seraient à peu près effectivement de 120, 130. C'est ça. Mais non. Sur l'ensemble des espèces, on en est à presque 3000, hein, c'est ce que vous me disiez hors antenne. Moi, je dirais même qu'il y en a encore bien plus ouais. que ça. Hein, non. Et on est loin d'avoir peut-être tout découvert aussi. Et pas que en zone tempérée, hein. Ouais. C'est majoritairement en zone tropicale. Ouais. Alors, Anne-Geneviève Bagnère-Urbani, vous êtes écologue chimiste, directrice de recherche CNRS dans ce laboratoire CEFE, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Et puis Magdalena Koutnik, vous êtes biologiste, entomologiste et responsable du laboratoire de biologie de l'Institut technologique FCBA, qui veut dire... Forêt, cellulose, bois, construction, ameublement. Voilà, et les auditeurs nous rejoignent déjà avec beaucoup de messages et de questions sur les termites. Je suis assez surpris d'ailleurs de voir déjà tout ce qu'on a comme message. Vous l'êtes beaucoup moins visiblement, hein. Ouais. C'est un animal qui fascine beaucoup, qui suscite beaucoup de questions, qui agace aussi énormément, hein. Bah, il agace parce que je pense que les gens... pensent tout de suite à leurs habitats, à leurs appartements, à leurs maisons. Oui. Mais bah, à la fois, le fait que ça soit des insectes sociaux, ça pose aussi plein de questions sur cette socialité et ces colonies. Quoi. Oui. Donc il y a vraiment les deux aspects, hein, Magdalena Koutnik. Hein. C'est à la fois l'admiration effectivement dans l'organisation sociale d'une espèce animale, et puis à côté, tous ces problèmes qui sont votre quotidien, vous aussi en tant que chercheur. Hein. Oui, l'inquiétude, c'est vrai qu'on la rencontre plutôt dans les zones tempérées, parce que les termites rencontrées en zone tropicale, on a beaucoup plus d'espèces qui sont vraiment très bénéfiques. Malheureusement, dans les zones tempérées, en Europe, en Amérique du Nord, on a surtout des espèces finalement qui se sont adaptées à la vie en zone urbaine et qui causent des dégâts aux constructions. Ouais. Alors c'est ça, c'est l'adaptabilité finalement de ces animaux qui est assez fascinante. Oui, c'est extraordinaire, hein. Tout à fait. Ouais. On s'aperçoit sur beaucoup d'espèces, il y a vraiment une adaptabilité à la fois à l'environnement, au mode de construction qu'on peut utiliser, aux produits utilisés. On en a parlé tout à l'heure, ils ont une flexibilité, une capacité de reproduction, vraiment de prospection, d'établissement des colonies, qui fait que vraiment ils peuvent envahir et s'épandre dans différents habitats. Ouais. Anne-Geneviève Bagnère-Urbani, justement du temps de Maurice Maeterlinck, est-ce qu'on parlait déjà de signature chimique? Ah non. Ben non. Ah non, non, non. Puisqu'on vous doit cela, justement, entre autres. Hein. Oh, entre autres, disons que je suis une des celles, oui. Mais effectivement, il a fallu que les appareils de chimie se simplifient et puis qu'une biologiste comme moi puisse s'en servir. Et je suis devenue écologiste chimiste, effectivement. Ouais. Mais alors, c'est quoi la signature chimique, exactement, chez l'animal, alors? Alors, on définit ça, en particulier chez les insectes ou les arthropodes en général, comme... sur leur exosquelette, hein, puisque les invertébrés n'ont pas de squelette interne, hein, ils sont recouverts d'une petite cire lipidique qui, au départ, est faite pour les protéger contre la dessiccation, hein, parce que tout ce qui est petit craint énormément la dessiccation. Et puis avec l'évolution, en fait, ces molécules qui recouvrent le corps des insectes, ça leur sert maintenant à se reconnaître entre eux. Donc il y a une petite huile, c'est ça, qui les protège ? Ben c'est des hydrocarbures ou des molécules à très longue chaîne qui forment comme ça une espèce de mixture lipidique qui les protège. Et puis en fait, quand ils se touchent entre eux, que ce soit une mouche qui reconnaît qu'il a une femelle entre elles ou devant lui, ou une fourmi qui reconnaît que c'est bien sa congénère, avec un petit coup d'antenne, ils arrivent à se reconnaître grâce à en effleurant comme ça leur cuticule. Ouais. Mais cette signature chimique, justement, elle n'est reconnue qu'à proximité de l'animal ? Oui, parce que c'est des molécules qui ne sont pas volatiles. D'accord. Ou quasiment pas volatiles, donc c'est avant tout du contact. Ouais. Ouais. Est-ce que les différentes castes, justement, de termites arrivent aussi à se reconnaître par ce biais-là, hein. Et oui. Ça les distingue aussi dans leur organisation. Ça les distingue déjà entre espèces, mais bien sûr, à l'intérieur des espèces, il y a des changements, c'est des modifications quantitatives plutôt, où effectivement, un soldat aura pas tout à fait la même mixture quantitativement qu'un ouvrier, ou une nourrice d'abeilles n'aura pas tout à fait la même signature qu'une fourragère, etc. Ouais. Ça fait combien de temps que vous avez mis la main justement sur la signature chimique comme élément de reconnaissance animale? Vous allez me vieillir. C'est pour rendre hommage à votre travail, surtout. Une petite trentaine d'années. Oui, mais depuis, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, ça a été découvert dans les années 80 et on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient contre cette notion. Et maintenant, en fait, c'est quelque chose qui est complètement établi. Ça fait consensus partout. Bon, ben bravo à vous alors. Magdalena Koutnik, il y a une question de Philippe sur franceinter.fr qui dit ceci. Est-ce qu'on peut comparer l'organisation sociale des termites à celle des fourmis ou des abeilles? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de différences qui permettent justement de les distinguer? Alors, ce sont des insectes sociaux dans tous les cas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre... D'une part, les abeilles, les fourmis et les termites. Mmh. Les sociétés d'abeilles et de fourmis, ce sont essentiellement des sociétés de femelles avec une reine qui domine. Oui. Et donc vraiment des sociétés de femelles où les mâles ne sont présents que pour la reproduction. Les termites, ce sont des sociétés mixtes. Donc c'est assez unique aussi parmi les insectes sociaux. Oui. Et ils ont cette flexibilité génétique développementale qui leur permet de créer de reproducteurs lorsque c'est nécessaire à la survie de la colonie. Et c'est ce qui explique. C'est à la demande quasiment. Quasiment à la demande. C'est vrai. Si on isole une sous-population dans un bâtiment ou en extérieur, elle peut recréer des reproducteurs. Ils peuvent remplacer également la reine lorsque la reine meurt. Mmh. Donc ils ont vraiment cette possibilité d'étendre la colonie, de refabriquer des reproducteurs. Donc on a, voilà, c'est un même grand ensemble d'insectes sociaux, mais on a vraiment des particularités chez les termites qu'on ne retrouve que chez eux. Donc on n'a pas une reine, ça veut dire qu'on a quoi? Un couple royal. Wow. Oui. Chez la plupart des espèces. Mmh. Sauf certaines espèces, comme les espèces invasives, qui ont des caractéristiques un petit peu plus différentes. C'est-à-dire ? Eh bien, justement, il y a certains individus, comme vous disiez à l'instant, qui, à la demande, peuvent se développer, qui restent à l'état larvaire, on appelle ça des néoténiques, et qui sont capables de se reproduire à foison. Donc, ça forme ce qu'on appelle des familles étendues. Ouais. Et c'est pour ça que Magdalena avait montré ça pendant sa thèse il y a quelques années, c'est qu'en isolant même une petite dizaine d'individus, que des ouvriers, eh bien, au bout d'un moment, on aura ces néoténiques qui se formeront et qui formeront une nouvelle colonie. Ouais. Néoténiques. Néoténiques, c'est des reproducteurs qui sont capables de se reproduire à l'état larvaire. Ouais. Et ça, c'est assez unique dans la nature ? C'est assez unique, ouais. Oui. Et c'est bien le problème des termites. Et pourquoi ? Parce que justement, on isole un petit morceau de bois quelque part, on l'amène pour notre feu de cheminée, on le met contre la maison, et puis... Et on redémarre une nouvelle colonie. Voilà. C'est ça. Donc c'est une histoire sans fin, effectivement. Quasiment, on peut dire qu'on peut les bouturer à l'infini. Alors ça dépend évidemment des espèces de termites. C'est vrai que là, on focalise beaucoup sur les espèces qu'on va trouver en France, qui sont des termites souterrains, donc qui font des galeries souterraines et peuvent se retrouver isolées dans différentes zones, dans le jardin, dans la maison. Etc. Après, on retrouve d'autres systèmes de fonctionnement. Mais la particularité aussi de ces espèces-là, c'est que certaines sont capables de fonder des colonies. Enfin, plusieurs femelles peuvent se mettre ensemble pour fonder des colonies. Les colonies peuvent fusionner. Donc, on a vraiment, à nouveau, cette adaptabilité. Ouais, c'est assez tentaculaire, finalement, le monde des termites. Ben, c'est très bien illustré par le cas qui a été trouvé au Brésil, d'ailleurs. Voilà, de super colonies, voilà. Absolument. Ouais. Qui montre bien cette prospection, finalement, tant qu'il y a de la surface et tant que le termite n'a pas de prédateur, on se développe. Incroyable. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions pour vous. Je souhaite vous les poser dans un instant dans La Tête au Carré. Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nous rêve. Je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans la rivière en oubliant. Viens avec moi, mon vieux pays. Le vent me rêve, le vent se lève aussi. Viens avec moi, mon vieux pays, Émilie Loiseau. La Tête au Carré, Mathieu Vidard. Dossier Termites cet après-midi avec Anne-Geneviève Bagnier-Urbani et Magdalena Koutnik et vos messages très nombreux sur le site de l'émission. Un petit mot juste, Magdalena Koutnik, parce que vous avez été l'élève d'Anne-Geneviève Bagnier-Urbani. Oui, c'était votre directrice de thèse. Tout à fait. C'est vrai, c'était quoi votre sujet de thèse alors sur les termites? Alors c'était l'évolution et la phylogénie des termites dans le sud-ouest de la France et la péninsule ibérique. Ah oui, très précis. Très pourquoi précis. Vous l'avez localisé là-bas alors exactement? Parce qu'on avait une espèce qu'on avait plus de mal à contrôler par les techniques classiques. Oui. L'espèce qu'on trouve essentiellement sur la péninsule ibérique et vraiment dans le quart sud-ouest de la France. Et on avait essayé de mieux comprendre le comportement, la génétique de cette espèce en vue d'améliorer les systèmes de contrôle. Ouais. Est-ce que les termites vous ont fait faire le tour du monde à toutes les deux d'ailleurs? Bah, le tour de l'Espagne, en tout cas. c'est un bon début. Moi, c'est plutôt, puisque comme je suis spécialiste des termites européens, oui. voilà, vous restez sur le continent. Je reste sur le continent, mais par contre, comme je suis scientifique, je vais à plein de congrès et grâce aux congrès, ah, oui. Ça, c'est très bien. Est-ce que vous êtes allée en Guyane, Magdalena Koutnik? Oui, encore assez récemment, en décembre dernier. Oui. Il y a beaucoup de problèmes de termites là-bas ou pas? Parce que Bernard nous envoie un message disant ces dernières années, il y aurait une forte réduction en volume des vols de termites ailés en Guyane. Y a-t-il une disparition de ces insectes? Et vous n'êtes pas d'accord avec lui apparemment. Alors sa question est très précise. Donc je peux pas répondre que c'est faux sur des aspects essaimage de termites. Mm-hmm. Par contre, pour ce qui est vraiment de la problématique termite, que ce soit en Guyane ou dans les autres zones tropicales françaises, c'est plutôt un problème qu'on a du mal à contrôler du fait de la diversité des espèces. Oui. Donc autant en France métropolitaine, on est surtout sur des problématiques de termites souterrains. En Guyane, on a vraiment de différents modes de vie. Des termites de bois sec également, donc vraiment des modes d'attaque différentes, beaucoup d'espèces. On pense qu'en Guyane, au contraire, on a beaucoup d'espèces qui n'ont pas été décrites à ce jour. Mm-hmm. Donc c'est plutôt un problème qu'on n'est pas encore tout à fait en phase de régler. Anne-Geneviève Bagnard-Urbani, justement, l'évolution de l'infestation des termites en France comme en Europe, d'ailleurs, on la chiffre bien aujourd'hui, on arrive à faire des cartes aussi de présence des termites. Ah ben oui. C'est ce que nous faisons depuis maintenant plusieurs, au moins une bonne dizaine d'années. On a répertorié toute la France et puis une grande partie de l'Europe également. Ouais. Alors ces invasions, elles correspondent à quoi? On arrive à bien les expliquer aujourd'hui ou pas? Vous parlez invasion. Pourquoi vous parlez d'invasion? Alors, dans les bâtiments, la présence vraiment des nuisibles, infestation. D'accord, parce que je pensais que vous vouliez parler d'invasion biologique. Infestation. Oui. Infestation. Alors, en fait, tout à l'heure, on parlait bâtiments, et de leur plasticité, mais en fait, effectivement, dans les bâtiments, qu'est-ce qu'ils retrouvent? La chaleur et l'humidité qu'ils aiment. Donc, dans le bâti, ils retrouvent, en fait, le milieu naturel qu'ils aiment. Donc c'est pour ça qu'en fait... On favorise finalement leur bien-être. Voilà, ils resteraient normalement autour du pourtour méditerranéen de façon naturelle, dans les forêts de pins du sud-ouest à la limite, mais ils ne monteraient pas beaucoup plus au nord que la Loire. Et là, ils montent beaucoup plus, puisque nous sommes à Paris et il y en a plein, parce qu'ils retrouvent effectivement ce qu'ils aiment, chaleur, humidité. Ouais. Et alors, la capitale est envahie par les termites? Elle est pas mal infestée. Non mais répondez franchement. Il y en a un petit peu partout. Ouais. Et c'est pas que à Paris d'ailleurs. Hein. Pas que à Paris bien sûr, mais à Paris il y en a plein, dans le banlieue il y en a plein. Puis il y a pas de ils aiment autant le 16e arrondissement que le 20e. Oui c'est ça qui est bien. Il y en a plein dans le 16e aussi. Oui. Je parlais des scorpions ce matin, mais c'est exactement la même chose. Le problème au Brésil. Oui, effectivement à Sao Paulo effectivement c'est pareil. Mais bon à part qu'ils piquent moins les nôtres. Oui heureusement ça effectivement. Alors, dans une grande ville comme Paris, par exemple, une capitale, comment on fait face justement à ce problème des termites et quel est le problème réel alors finalement? Eh bien, le dernier contrat qui vient de se terminer avec la ville de Paris, il y a un doctorant, Guillaume Baudouin, qui a travaillé dessus. Et entre autres, on s'est aperçu, puisqu'il y avait une autre de mes doctorantes en même temps que Magdalena, qui avait étudié la génétique de certaines parties à Paris. Et en fait, Guillaume est retourné dans les différents sites où elle avait trouvé des termites. Et en fait, il a retrouvé au bout de 20 ans exactement les mêmes colonies, alors que pourtant c'était censé avoir été traité, quoi. Donc voilà, ça c'est une des découvertes qu'on a faites au cours de cette thèse. Après on s'aperçoit qu'ils sont dans toutes sortes d'habitats. Effectivement ils posent énormément de problèmes à la ville de Paris. Alors quel type de problème, Magdalena Koutnik? C'est leur appétit pour la cellulose principalement? Alors pour la cellulose, mais pas seulement, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus, alors on sait historiquement que les termites mangent le bois, les matériaux cellulosiques, c'est des matériaux que l'on sait maintenant protéger, parce qu'on connaît bien la problématique. Ouais. Par contre, ils sont capables de dégrader tout un tas d'autres matériaux de construction qui peuvent être franchis, tels que les isolants, les gaines de câbles, les tuyaux. Ah oui. Et finalement, le problème termite, c'est de moins en moins un problème de bois, mais de plus en plus un problème de bâtiment. Donc tout ce qui est point d'entrée du termite dans le bâtiment, c'est plutôt sur ces zones-là qu'on essaye de réfléchir actuellement pour vraiment isoler le bâtiment du sol et empêcher les pénétrations de termites. Ouais. Mais c'est pas possible d'isoler complètement un bâtiment? Alors c'est possible sur les constructions neuves et on a une réglementation en France d'ailleurs qui est unique en Europe. qui depuis 10 ans oblige à protéger l'interface sol bâti contre les termites dans les zones qui sont concernées par le problème, par des systèmes qu'on va appeler des barrières physiques ou physico-chimiques. Donc on sait gérer vraiment la protection de l'interface sol bâti. Dans les constructions plus anciennes, c'est plus compliqué, puisqu'effectivement le bâtiment étant déjà construit, on peut plus difficilement intervenir sur cette interface, mais on peut mettre en place des systèmes de surveillance, de détection, des comportements abordés pour éviter justement les infestations. Et effectivement, on a beaucoup de technologies qui permettent le traitement et la surveillance des termites. Mais Anne-Geneviève Bagnère-Urbani, est-ce qu'il peut y avoir des menaces d'effondrement de bâtiments ou ça reste quand même très très rare? Ça reste très très rare. Faut vraiment avoir une vieille ferme abandonnée ou un bâti. Mais ça fragilise. Il peut y avoir par exemple une poutre principale d'une vieille bastide en Provence. Et le problème, en fait, avec les termites, c'est qu'on ne voit pas, parce qu'ils grignotent la poutre de l'intérieur, ils ne font pas du tout de trous, on ne les entend pas, à la différence des autres xylophages, où les vrillettes font des trous, les capricornes font des trous, ils font pas de trous, donc ils rongent de l'intérieur, ils ne font pas du tout de bruit, et puis un jour, on met le doigt sur la plinthe ou dans la poutre, et il est trop tard. Renaud nous écrit, nous dit « J'ai des colonies termites sur des arbres, des avocatiers dans mon jardin. Ma maison est en bois ainsi que ma terrasse. Par conséquent, j'ai cherché, trouvé et détruit la colonie. Est-il possible, demande-t-il, que les termites soient en train de créer une nouvelle colonie ailleurs? Pour l'instant, rien de visible dans les parages, dit-il. Est-il possible que les termites situées sur l'arbre n'aient pas encore l'information que la colonie a été détruite ?» Magdalena Koutnik, s'il vous plaît, en réponse à Renaud. Alors en réponse, qui tremble. Alors déjà être très méfiant lorsqu'on dit que la colonie a été éliminée, il faut vraiment voir quelle était la technique utilisée. Il faut avoir à l'esprit que les colonies sont assez tentaculaires, donc on peut avoir un nid principal qui est connecté à des nids secondaires. Donc c'est pas parce qu'on a détruit l'un des nids qu'on a tué toute la colonie. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des zones satellites dans le jardin ou à proximité de l'arbre. Donc être très méfiant sur les conclusions Mais qu'on peut tirer. Comment on peut le savoir? C'est vraiment en faisant appel à des entreprises qui sont spécialisées dans le traitement de la lutte contre les termites, qui connaissent la biologie de l'insecte, qui vont connaître les signes d'infestation et qui vont permettre de poser un diagnostic aussi peut-être plus précis. Mais méfiance à partir du moment où on a eu déjà les premiers signes d'attaque. Patrice nous dit, résident dans la campagne meusienne et me chauffant au bois, j'aimerais savoir s'il est facile de reconnaître des rondins ou quartiers de bois infectés par les termites lors du siège, par exemple. Qui veut répondre? C'est assez exceptionnel que des rondins soient infestés. Il faut vraiment que les bois aient été stockés en forêt dans des zones termitées pendant longtemps. Généralement, ça va se voir au moment de la découpe ou de la sortie des arbres. Donc c'est assez rare que ça soit vraiment sur des rondins. Quoi qu'il arrive, il ne faut certainement pas qu'ils entreposent du bois contre leur maison. C'est la pire des choses à faire. Éloigner les zones où le bois de chauffage est éloigné de la maison. Hervé nous dit, pourquoi est-ce qu'on parle de termites de bois sec justement, alors que j'ai constaté qu'elles allaient en priorité dans les parties du bois dégradées par des champignons, donc sur du bois possiblement humide, ce que vous avez confirmé tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a une espèce méditerranéenne, les calothermes, qu'on trouve en France, qui s'attaque effectivement aux structures de bois sec, donc elles sont moins nuisibles que nos termites souterrains réticuitermes, et donc ils s'attaquent par exemple aux portes, aux pourtours de fenêtres, aux planchers. Donc vraiment le bois vraiment œuvré, bien sec. Existe-t-il, demande Jean, des prédateurs spécialisés dans la capture des termites? Alors dans la capture, à proprement parler, oui, l'homme. Nous sommes bien spécialisés. Il n'est pas très efficace quand même, pas toujours en tout cas, mais... C'est certainement... Non, le prédateur naturel, ce sont essentiellement les fourmis. Mais c'est assez compliqué de dresser des fourmis et attaquer des termites. Dans certaines zones, on a les fourmiliers aussi qui se nourrissent des termites. Mais effectivement, oui, je rejoins Geneviève, c'est vraiment l'homme qui a... développer le plus de techniques. L'arsenal est au point quand même aujourd'hui. Je pense qu'il y a des bonnes techniques. Enfin, moi, j'apprécie particulièrement la technique des systèmes de piégeage parce que je trouve que c'est un système très intelligent. Quel est-il ? On met des pièges dans le sol, d'abord pour les attirer, et une fois que c'est amorcé, on met une matière cellulosique qui est imprégnée d'un inhibiteur de mue. Or, les termites, en fait, la plupart des gens ne savent pas, mais les termites, ce ne sont quasiment que des larves. Donc, si ce sont des larves, elles muent. Donc, si on les empêche de muer, et en plus, comme c'est des insectes sociaux, ils vont se par trophallaxie, par contact sans cesse, les individus passent leur temps à se toucher. Ouais. Et donc, ils se transmettent les molécules toxiques. Mais toxiques essentiellement pour des animaux, justement, qui muent. Donc, on a joué sur et la socialité et le fait que ce soit des individus larvaires. Mmh. C'est une technique qui est un peu plus longue que, par exemple, quand on met un jet d'insecticide, mais vous comprendrez bien que c'est quand même beaucoup plus écologique. Ouais. Et puis, assez intelligent. Moi, j'aime beaucoup cette technique. Bien, bah écoutez, on est ravis en tout cas d'en prendre connaissance. Et on se retrouve dans un instant. D'autres messages pour vous sur franceinter.fr. C'était Gérald de Palmas. La tête au carré sur France Inter. À l'approche de la saison des pluies, l'inviolable citadelle dont les parois, sous peine de mort pour toute la colonie, n'offrent jamais d'autres fissures que celles qui sont indispensables à la ventilation, prise d'une sorte de délire, est tout à coup criblée d'étroites ouvertures derrière lesquelles on voit veiller les monstrueuses têtes des guerriers qui en interdisent l'entrée aussi bien que la sortie. Ces ouvertures correspondent à des galeries ou des couloirs où s'entasse l'impatience du vol nuptial. À un signal, donné comme tous les autres par la puissance qu'on ne voit pas, les soldats se retirent, démasquent les issues et livrent passage aux frémissantes fiançailles. Aussitôt, s'élèvent, comme d'une chaudière surchauffée sur le point d'exploser et jaillissant de toutes les fissures, un nuage de vapeur formé de millions d'ailes qui monte vers l'azur à la recherche incertaine et presque toujours bafouée de l'amour. Le magnifique phénomène ne dure que quelques instants. Le nuage s'abat lourdement sur le sol qu'il couvre de débris. La termitière se referme, les ouvertures sont murées et ceux qui sont sortis paraissent inexorablement exclus de la cité natale. Ça, c'est du petit lait quand même, hein, à écouter Maurice Maeterlinck, donc en 1926, l'impatience du vol nuptial. C'est quand même magnifique, non? C'est très poétique. Anne-Geneviève Bagnier-Urbani et Magdalena Koutnik, mes invités, donc, pour parler des termites, avec beaucoup de questions des auditeurs. Christophe demande si les termites sont des menaces pour l'agriculture locale. Qui veut répondre à cette question? Non. autant en Afrique, effectivement, dans les champs de maïs ou les champs, mais dans beaucoup de cultures d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, oui, il y a des problèmes, mais en agriculture en France, ils sont vraiment essentiellement que dans le bâti, quand même. Yannick est géologue au BRGM et des champs de termitières de taille similaire et de densité similaire à celle dont nous parlions tout à l'heure, la fameuse brésilienne là, qui fait la taille de la Grande-Bretagne, s'observe également en RDC, donc en République démocratique du Congo, dans le haut Katanga et dans le nord de la province de l'Équateur, ainsi que dans le sud-est du Rwanda. Les termitières sont anciennes et inactives à ce jour. Sont-elles liées à un contexte climatique singulier, demande Yannick. Alors, il faut préciser que ce n'est pas les mêmes que celles dont on a parlé du Brésil. En quoi elles diffèrent, justement ? Alors, bon, les exemples qu'ils donnent, moi je penserais que c'est plutôt effectivement des vrais réseaux de termitières, c'est-à-dire chaque monticule est une termitière. Ouais, ce qui n'est pas le cas au Brésil. Pas le cas au Brésil, c'est simplement des monticules qui leur permettent par une galerie unique de monter pour aller récolter les feuilles qu'il y a à l'extérieur. Ouais. Alors qu'effectivement, en Afrique, ces monticules, ce sont réellement des monticules qui contiennent des colonies de termites. Mais après, qu'il soit aussi vaste que la Grande-Bretagne, comme il a été vu au Brésil, je connais pas. Pourtant, j'en ai vu, effectivement, au Gabon en particulier, sur plusieurs kilomètres, des termitières très nombreuses. Mais, Et elles abandonnent leurs termitières parfois Oui, par exemple, à cause d'une attaque de fourmis, par exemple. C'est la guerre entre les deux ? Ah oui, c'est la guerre entre les deux. Ça bastonne pas mal. Ça bastonne, comme vous dites. Qui gagne en général ? Je pense que c'est quand même souvent les fourmis, mais ceci dit, les termites sont assez astucieux, donc peuvent fermer toutes les écoutilles, pour pas se laisser envahir. Ouais. Mais il y a des colonies de soldats aussi chez les termites. Alors, dans les colonies de termites, il y a plusieurs castes. Dont la caste des soldats. Dont la caste des soldats qui ne fait que 4 ou 5% de l'ensemble d'une termitière, et qui a effectivement en général des mandibules, mais bon. Pas tous, et c'est eux dont on entendait Metterling tout à l'heure, qui se mettent au bout d'une galerie quand il va y avoir le vol des sémages, parce que justement pour protéger les sexués qui sont prêts à être attirés par la lumière, puisque pour une fois ils ne seront pas lucifuges, ils iront vers la lumière au moment de l'essaimage. Alex nous dit, nous avons une maison en ossature bois en Gironde, donc des montants en sapin du Nord et des panneaux d'OSB, des grands copeaux collés entre eux. Devons-nous craindre quelque chose ? Demande Alex. Alors, tout dépend de l'année de construction de la maison. On va vous envoyer Magdalena, qui va aller voir directement chez vous. Je le disais, toutes les constructions post-2007 réglementairement doivent être protégées sur l'interface sol bâti. Depuis 2006, on a aussi une réglementation qui oblige à protéger tous les bois de structure. Donc là aussi, tout dépend si sont, en l'occurrence, le sapin n'est pas durable vis-à-vis des termites, mais tout dépend si c'est des bois qui ont été traités ou non. Si c'est une construction plus ancienne, dans ce cas, il faut effectivement être vigilant et mettre en place un système de surveillance active. Alors ça, j'allais dire, chacun peut le faire dans les zones termitées. On peut tous trouver des indices, se renseigner sur les indices de présence. Et vraiment avoir une vigilance, éviter de stocker du bois en extérieur, du bois de chauffage, ce qu'on disait tout à l'heure. Surveiller la présence d'apparitions de coordonnées sur les murs, par exemple. Enfin, il y a un certain nombre de signes qui peuvent être parlants. Anne-Geneviève Bagnère-Urbani, on le répète, toutes les termites en France, en tout cas, sont souterraines, c'est ça ? Toutes les termitières, sont souterraines en France. Oui, parce que en fait, il y a essentiellement le genre Reticulitermes, qui ce sont tous des termites souterrains, sauf l'espèce de bois sec dont on parlait tout à l'heure. Mais effectivement, toutes les espèces qu'on a en Europe, c'est essentiellement des termites souterrains, donc on ne voit pas. Donc, si on voit des petits monticules de terre, ce sont des fourmis. Des fourmis. C'est ça. Voilà. Le réchauffement climatique, ça revient beaucoup dans les questions. Est-ce que ça a un rôle justement sur l'expansion du territoire des termites ? J'aurais tendance à penser que oui, puisque effectivement, ils montent de plus en plus au nord. Donc si le réchauffement climatique fait que... En Angleterre, il va faire bientôt, on trouvera du vin comme à Bordeaux, et que en Hollande, bientôt, on pourra plus cultiver de tulipes parce qu'il fera trop chaud. Ils auront peut-être dans quelques années les mêmes termites que nous, c'est possible. Bon. Pourquoi pas. à observer donc. Et puis Georges qui demande ces termites qui sont spécialisées en culture de champignons, quels sont-ils et pourquoi est-ce qu'ils cultivent des champignons, ces termites? Alors ça, c'est des espèces très particulières qu'on appelle des termites champignonistes. Mmh. Donc ils élèvent effectivement des champignons dont ils se nourrissent. Donc c'est leur façon de et en plus leurs colonies sont très étendues et ils ont leur champignonnière particulière effectivement, mais c'est des termites particuliers quoi. Mmh. Certaines on trouve pas en zone tropicale, en zone tempérée. En zone, on n'a pas du tout ce genre de termites. On les trouve en Afrique, en Asie, mais pas du tout en Europe. Magdalena Koutnik, donc ce projet Lynx, c'est ça, Lynx? Oui, Lynx. Bon. Lutte contre les insectes nuisibles xylophages. Avec quel type d'objectif donc pour vous dans ce projet de recherche? C'est un projet d'étude région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Ah ben justement, voilà. Donc l'idée c'était de faire un état des lieux vraiment des effets de la loi termite en France, de voir si on était efficace dans les stratégies de contrôle, de prévention des termites, d'avoir une meilleure idée de ce qui reste à faire. Donc voilà, on a plusieurs objectifs qui sont poursuivis simultanément, mais vraiment l'idée c'est de faire une veille sur la situation actuelle. Ouais. Les premiers résultats donnent quoi alors sur l'efficacité de la loi ? Les premiers résultats montrent que les obligations de protection des constructions neuves ne sont pas systématiquement suivies. Donc on doit s'améliorer dans ce domaine-là puisque c'est vraiment la prévention qui est essentielle pour éviter les soucis futurs. Sur les aspects traitement, on s'aperçoit aussi finalement que on est sur une situation assez constante. On a toujours quand même des infestations de termites. C'est pas dramatique, mais voilà, il y a des actions de forte envergure à entreprendre. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux, Anne-Geneviève Bagnères-Urbani et Magdalena Koutnik pour ces termites. On aurait pu faire une deuxième émission. Il y a tellement de questions au standard, on va carrément l'envisager, je pense. À très bientôt. Merci beaucoup. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Quoi de neuf sur le front de la cigarette électronique? Eh bien, plein de choses, Mathieu. De la science, des stats à la con et les dangers du bricolage. On y va. Alors, je vais commencer par la science, à savoir une étude publiée la semaine dernière dans le prestigieux New England Journal of Medicine. Le but de cette importante étude était de comparer l'efficacité de la cigarette électronique à celle des substituts nicotiniques classiques, patch, pastille, chewing-gum. Alors, 900 candidats à l'arrêt du tabac ont été randomisés, c'est-à-dire tirés au sort pour créer deux groupes. Mmh. Les sujets du premier groupe recevaient une cigarette électronique et des flacons de liquide contenant de la nicotine. Ceux de l'autre groupe, un ou plusieurs substituts nicotiniques de leur choix. Les sujets des deux groupes ont bénéficié d'un soutien psychologique hebdomadaire pendant un mois. Ils ont ensuite continué à recevoir gratuitement les produits pendant un an. L'évaluation finale de l'abstinence reposait sur la mesure du monoxyde de carbone dans l'air expiré par les sujets, donc pas de mensonge possible. Et alors ? Eh bien c'est sans appel Mathieu, victoire de la cigarette électronique puisque les vapoteurs ont été deux fois plus nombreux à réussir leur abstinence que les patchés ou les suceurs de pastilles. Mmh. 20% contre 10% la messe élite. On ne pourra plus dire que la e-cigarette n'a pas été correctement évaluée. Bon, alors ce débat sur la e-cigarette nous apporte régulièrement son lot de stats à la con. Exemple, une étude d'observation qui a constaté que les gens qui utilisent une cigarette électronique ont plus de risques de fumer des cigarettes et de faire des infarctus que ceux qui n'en utilisent pas. Et quand on sait que les vapoteurs sont quasi exclusivement des anciens fumeurs et que beaucoup d'entre eux continuent à fumer occasionnellement de vraies cigarettes, on comprend pourquoi cette statistique ne permet pas d'incriminer la cigarette électronique. C'est un peu comme si on nous expliquait que les gens qui fréquentent les alcooliques anonymes boivent plus souvent d'alcool ou font plus de cirrhose du foie que ceux qui ne les fréquentent pas. Ça serait stupide d'en tirer la moindre conclusion, car bien sûr, les alcooliques fréquentent ce type de réunion. Donc pour vous, toujours aussi anodine cette e-cigarette ? Bien sûr, le mieux c'est d'être non-fumeur et non-vapoteur. La e-cigarette doit rester exclusivement un moyen de sortir du tabagisme. Mais jusqu'à preuve du contraire, elle n'expose qu'à des risques minimes et souvent théoriques, sauf peut-être chez certains bricoleurs imprudents. Ah bon, et lesquels ? On a quand même deux morts et des dizaines de blessures graves liées à l'explosion de cigarettes électroniques. Ah oui. Soit modifiées pour produire plus de fumée, soit bricolées avec des constituants à bas prix. Donc, attention, un liquide inflammable à haute température, une résistance chauffante et une batterie au lithium dans le même conteneur, ça nécessite des précautions et surtout l'absence d'initiatives dangereuses. Une cigarette électronique n'est pas un jouet. Ouais. Et d'ailleurs, vous nous avez mis une vidéo sur le site. C'est très spectaculaire. Oui, j'ai vu ça. Un type dans un bus où la cigarette électronique explose littéralement. Heureusement, il n'y a pas grand monde dans le bus. Il y a juste sa passagère, mais qui a eu très peur. Quand même, absolument. Absolument. C'est sur le site de la Tête au Carré.